Oui, concernant la révolution et l'application française et l'intégration française de la Lorraine, dans tous les documents que j'ai vus dans les Vosges, il n'y a plus de traces de la Lorraine. Il n'y a plus de traces de la Lorraine indépendante, sauf peut-être tout au début de la Révolution ou dans les quêtes d'Orléans, comme tu l'as dit, on voit mention du rétablissement des États provinciaux, des tribunaux et du reculement des barrières, mais autrement, tout disparaît. Si, encore une fois, en 1790, lorsque dans le département des Vosges, on essaie de choisir entre Mirecourt et Épinal. Mirecourt utilise des arguments d'Ancien Régime pour essayer d'avoir le chef-lieu de département en vain. Mais autrement, tout l'aspect d'Ancien Régime disparaît très vite. Et j'ai l'impression que c'est lié au phénomène de la Révolution. La Lorraine d'Ancien Régime assimilée à la Lorraine des ducs, à la Lorraine des seigneurs, dont les seigneurs émigrent, vont rejoindre les ennemis, alors que la Lorraine devient extrêmement patriote. Et je crois qu'à ce moment-là, on a vraiment une intégration dans la France qui, si elle était commencée, se termine complètement à ce moment-là. Ça va, j'étais assez court. Donc j'invite Alain Petiot à venir à la tribune. On va ensuite reprendre à la fin toutes les questions. Mais Jean-Paul Rothieu était dans la salle, il devait nous quitter, donc on en a profité pour avoir son éclairage immédiatement.